La réunion du deuxième jour de la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti s'est déroulée le 24 décembre. Le président du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-un, s'est présenté au Palais des Sports de Pyongyang en droit de la conférence pour présider la réunion comme le jour précédent. La réunion a continué sous la présidence du président du Parti du Travail de Corée. Les présidents des organisations de base du parti et de différentes unités d'activité ont continué les interventions sur leurs succès, expériences et leçons survenues dans le travail du parti de leurs unités. Ils ont analysé et fait bilan des succès et expériences obtenus dans le travail pour faire de leurs organisations de base du parti les puissants rangs combatifs dotés de la foi immuable de défendre à tout prix le leader et d'appliquer sans faute la politique du parti et de l'esprit offensif indomptable, ainsi que la base avant-gardiste de la révolution avoisinant la cour du comité central du parti. Ils ont relaté que les organisations de base du parti ont maintenu comme travail vital du parti l'application des recommandations du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et incité les masses à la lutte héroïque pour créer la vitesse nouvelle de la Corée, vitesse de Malima, tout en rehaussant le rôle avant-gardiste de leurs militants dans l'édification d'une puissance socialiste. À la conférence, on a analysé en profondeur les déviations et fautes commises par des organisations de base du parti et de certaines unités d'activité dans leur travail qui ne se conforment pas à la volonté du parti et à la demande du développement de la révolution, livré sévèrement les critiques et discuté des moyens pour surmonter à fond les défauts en tirant de sérieuses leçons. Des mesures ont été prises pour opérer un tournant révolutionnaire pour fortifier toutes les organisations de base du parti en rang combatif, discipliné et exécutif, ainsi que dans le concept idéologique, le style de travail et la façon de travail des présidents des organisations de base du parti. Les orateurs ont exprimé la ferme détermination de consolider davantage leurs unités en base avant-gardiste, défendant au prix de la vie le leader et appliquant sans faute la politique du parti, tout en s'acquittant parfaitement de leurs responsabilités et rôles en tant qu'organisateurs, propagandistes et exécuteurs de la politique du parti, profondément conscients des confiances et attentes immenses du président du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-un, qui a qualifié les organisations de base du parti comme principale compagnie ouvrant la brèche à la lutte pour appliquer les tâches du 7e congrès du parti. La conférence continue.